Exercice 2, page 79. A. Tu voudras du sucre? B. Il fait un jus. C. Ce sont ses lecteurs. D. Tu crois qu'elles sont sûres? E. Un mois sans facture?